Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Avec Monsieur Rémy. Oh, c'est très épeurant. Je suis très content d'entendre cette chanson d'entrée, Danny. Ça me fait plaisir d'arriver sur une trame sonore comme celle-ci. Et aujourd'hui, je vous parle d'horoscope. C'est la première fois et c'est la première d'une longue série. J'espère être là tous les mardis midi avec vous. On le souhaite, on le souhaite. Moi aussi. Écoute, Danny, j'ai, comme plusieurs auditeurs, j'imagine, de C'est fou, j'ai remarqué que récemment sur Internet, on a vu circuler beaucoup d'informations sur le 13e signe de l'horoscope. Oui, le serpentaire, oui, c'est le ça? Le serpentaire, en anglais, on appelle ça le Ophiuchus. Ophiuchus, je ne suis pas certain de la prononciation encore. Et je voulais un peu, en fait, avec vous démystifier quel était le 13e signe de l'horoscope, mais aussi pourquoi il y a un 13e signe. Parfait. Alors, en gros, la Terre est inclinée, puis c'est pour ça. OK. Ça, c'est le constat final. Après avoir lu environ 43 blogs aujourd'hui et depuis quelques semaines, j'ai essayé de découvrir pourquoi il y avait un 13e signe à l'horoscope. Et on dit qu'il y a quelques milliards d'années, quelques milliers d'années en fait, les Babyloniens seraient trompés dans l'inclinaison de la Terre. Et on sait qu'il y a 365 jours par année seulement. Et on calculait 360 degrés de circonférence. Okay. Donc avec les calculs mathématiques. Ça joue dans les degrés un peu. Ça joue dans les petits degrés, ça joue dans l'inclinaison de la Terre aussi, qui fait que les planètes, en fait la planète est installée dans un angle qui nous amène à voir les étoiles dans différentes positions avec le temps qui passe. Donc si nous on est habitué de lire là, le Journal de Montréal, le Nouvelliste ou un journal qui nous dit notre horoscope tous les matins, sauf le dimanche, parce qu'évidemment, le dimanche, il n'y a pas d'horoscope. Il n'y a pas d'horoscope. C'est bien connu. Comme d'habitude. On sait que l'horoscope nous donne un peu un avis sur notre journée qui s'en vient. C'est le fun aussi souvent de lire l'horoscope de la veille quand on lit le lendemain matin. Dis, hey, oui, c'était vrai, ça, c'est tout à fait vrai. Mais on va jouer à un jeu maintenant, ça va être de décaler un peu l'horoscope, donc de lire celui qui est en haut, celui qui est en dessous du nôtre. Alors, j'ai avec moi les dates d'horoscope. Donc, c'est toujours difficile un peu de savoir si on est né, par exemple, le 20 janvier. On est soit Capricorne maintenant, soit Sagittaire. C'est ça, je comprenais. Je me demandais, je me posais la question. Je sais pas si c'est à partir de midi et une ou à partir de 11h59 le matin ou comment ça fonctionne, savoir c'est quand que c'est tranché. Donc, je conseille à tous les gens qui sont nés sur la date pile poil de lire toujours les deux horoscopes et de se fier à celui qui préfère des deux. Ah, ben oui, c'est une bonne donc, idée. Donc, comme ça, c'est une technique qui est scientifique et c'est éprouvée, fiable, oui. Très fiable. Alors, évidemment, maintenant, on sait que les gens qui sont nés entre le 20 janvier et le 16 février sont Capricorne. Tandis que les gens qui sont nés entre le 16 février et le 11 mars sont Verseau. Alors là, on change tout à fait la donne par rapport Moi, ça m'a tout mêlé. Je sais plus qu'est-ce que je suis. Eh bien, moi, je suis Cancer. Normalement, j'étais Lion. On va continuer comme ça avec le 11 mars. Si on est né le 11 mars, on est soit Verseau, comme je viens de le dire. Sinon, on peut être Poisson si on est né jusqu'au 18 avril. Le 18 avril, là, on est mélangé. On lit un des deux entre le Bélier et le Poisson. Donc, le Bélier, c'est du 18 avril au 13 mai. Le Taureau, lui, serait né entre le 13 mai et le 21 juin. Donc, les Gémeaux qui étaient habitués auparavant sont rendus maintenant les Béliers pour la plupart. Des Taureaux, pardon. Mais c'est peut-être ça, 2012, la fin du monde, parce que je pense que ça mélange. Là, on commence à se rendre compte qu'il y a des problématiques terrestres et spatio-intergalactiques. Sauf que cette question-là avait déjà été soulevée, entre autres, avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis aussi, en 2007, il y a eu vraiment une polémique autour de ça. Ça a sorti au début du 20e siècle, et on en avait parlé un peu, mais déjà, l'astrologie, les sciences n'étaient pas assez développées pour pouvoir comprendre. En 2007, on a ramené la question. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on a lu comme horoscope depuis le début de notre existence, c'était juste des foutaises? À cause qu'on se trompait de signe. On n'irait pas dire ça. Hein? Mais je ne peux pas. Si on se trompait de signe. Je suis d'accord à savoir qu'on se trompait de signe, mais si ça nous faisait du bien à nous, reste que quand même notre vie, on l'a mené pareil. Donc, qu'on se trompe de signe ou non, on sait simplement que l'horoscope n'a pas nécessairement toute sa valeur originale. Donc, il faudrait juste revérifier comment interpréter l'horoscope. Admettons que moi, j'ai décidé de bâtir ma vie en fonction de ça. Est-ce que je devrais maintenant quitter le studio puis devenir cuisinier ou faire autre chose qu'animer à la radio, étant donné que c'est pas ma destinée véritable? Charles-André, est-ce que tu t'es basé sur ton horoscope d'il y a quelques années pour devenir chroniqueur ou animateur au Est-ce que je suis le seul à avoir fait ça? En fait, moi, c'est grâce à l'horoscope que j'ai décidé de venir ici. Là, donc, peut-être. Quand même. Un aura de mystère. Rémi va avoir la réponse, peut-être. Un aura de mystère que tu traînes avec toi, un véritable halo de brume. Quelle date es-tu né, Charles-André? Le 13 octobre 1986. Oh, 13 octobre. Tu vois l'année, j'ai pas l'horoscope chinois avec moi ce matin, ce sera pour une autre chronique. Il semblerait que je sois tigre. Tigre selon la Chine, oui, tigre, effectivement. Si t'es né le 13 octobre, donc tu te suis évidemment en tant que vierge maintenant, donc si tu le savais pas encore... Oui, c'est content d'avoir retrouvé J'ai retrouvé ma virginité, c'est magnifique. Une fois de plus dans ta vie, c'est bien génial. Alors, du 16 septembre au 30 octobre, les gens sont vierges maintenant. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que du 30 octobre au 23 novembre, on est balance. Et attention, le scorpion, c'est le plus spécial de la gang maintenant avec le nouvel horoscope à 13 signes. Parce qu'évidemment, on sait que le scorpion maintenant, c'est du 23 novembre, qui est conjoint avec la balance aussi, donc on peut décider pour le 23 novembre, mais jusqu'au 29 novembre seulement. Donc c'est 6 à 7 jours. C'est pas beaucoup! C'est un petit signe de rien. C'est comme les jours ouvrables quand tu vas à la caisse, mettons. Donc, c'est maximum 7. Tu sais, c'est d'ici 7 jours ouvrables. Donc, c'est comme 7 une jours semaine de relâche, pour mettons. Le scorpion. Donc, le scorpion, lui, il y en a plus beaucoup sur la planète automatiquement. Donc, tous les gens qui pensaient être scorpion. D'ailleurs, il y a une chanson de Dédé Fortin. Et je me questionne à savoir si Dédé Fortin est né dans ces dates-là. Parce que si oui, c'est bien. Sinon, ben, il faudrait peut-être qu'on le ressuscite puis qu'on lui redemande de faire sa chanson avec un autre signe. Et possiblement avec le signe du serpentaire qui est du 29 novembre au 17 décembre. Donc oui, le signe serpentaire prend presque un mois, donc 4 semaines ou tout ou plus. 4 semaines pour le serpentaire. Un serpentaire, par définition, c'est quoi? Ben moi, ça me fait penser à Harry Potter, là, les serpentards. Oui, moi aussi. Tout à fait, ça nous amène vers Harry Potter. On est content que ce soit pas Poufsouffle, le nom de ce signe-là. Exactement. Ça ressonnait un peu moins viril. Mais tout de même, on sait que le serpentaire, en réalité, c'est une figure d'un homme qui tiendrait un serpent. Donc quelqu'un qui est au-delà de ses affaires, qui est capable de contrôler les choses. Et les traits caractéristiques d'un serpentaire... en fait, c'est quelqu'un qui... j'ai commencé à lire la description et j'ai pensé un peu à Barack Obama. Je suis allé vérifier et Barack Obama n'est pas né là. Donc là, je soupçonne le canular encore par rapport à ce 13e signe astrologique-là. C'est non plus Bill Gates. C'est quelqu'un qui est en contrôle, qui a des problématiques dans sa famille à l'interne et qui souvent a des traîtres dans son entourage proche. Oh. C'est par contre quelqu'un qui a un fame, avec le terme anglais, donc qui a une certaine gloire dans tout ce qui va toucher. Une célébrité. Une célébrité, possiblement. Donc, il doit y avoir beaucoup de célébrités qui sont nées, j'imagine, entre le 29 novembre et le 17 décembre. C'était surveillé, donc c'était des amis qui étaient anciennement sagittaires, qui sont devenus serpentaires. Moi, mes deux parents sont devenus serpentaires. Est-ce que c'est vrai? Parce que les miens aussi. Oui, c'est vrai, mais... Ils sont pas très célèbres, mais quand est-ce même. Qu'on... Non, mais tout le monde, c'est les parents de Damien Janvier, le gars de Dîner de cons. Oh, OK. Est-ce que, par exemple, j'ai le droit de décider d'inventer un signe astrologique? Oui, si tu l'écris sur environ 84 blogs différents sur Internet, ça devient une vérité. Tu vois, même nous, on en parle à une émission radiophonique. Et pourtant, est-ce qu'on sait réellement si c'est vrai? L'étude, comme telle, j'ai essayé de la trouver et jamais j'ai réussi à trouver l'étude scientifique de base qui était faite aux États-Unis. Encore là, les États-Unis sont assez bons pour les canulars et les mensonges sans donner des coups de couteau dans d'autres personnes. Finalement, les Sagittaires, eux, sont du 17 décembre au 20 janvier. Donc là, on revient évidemment au Capricorne. Je suis devenu Sagittaire. Tu es devenu Sagittaire. Ouais. Alors, tu as maintenant deux pattes de plus qui ont poussé. Exact. Avant, j'avais une queue de poisson puis des sabots en avant. La queue de poisson est partie et il m'a poussé des pattes derrière. Et ce que je trouve curieux dans tout ça, c'est quand on parle d'une inclinaison de la planète et on décide de rajouter en même temps, comme de faire une pierre deux coups, de rajouter un nouveau signe dans le lot. À savoir si le nouveau signe va vraiment rester là pendant des années. Est-ce que bientôt le Nouvelliste ou le Journal de Montréal vont nous afficher un 13e signe? Parce qu'il n'y a pas d'espace physique. Donc, est-ce que chacune des phrases va être un peu plus courte? Il me semble que 12, c'était comme ça allait bien avec les mois puis tout. Avec les mois, avec les jours, avec les heures. Ouais. On sait que c'est toujours calculé en douzaines ou en 24 et 24 heures dans une journée, bon, ainsi de suite. Puis on sait que le chiffre 13 a été l'ennemi public numéro 1 pendant des années. Tout ça à cause de Judas, le fameux Judas. Le 13e apôtre. À la scène, C-E-N-E. Oui, c'est ça. À la scène, ben, on sait qu'il y avait les 12 apôtres, mais Jésus étant le 12e lui-même, Judas arrive et bon, est le trait de la gang. Donc on ne veut pas s'associer au chiffre 13. Je serais curieux de vérifier dans l'Ancien Testament, avant la naissance de Jésus, est-ce qu'il y avait déjà un chiffre 13 qui portait malchance ou quelque chose? On sait qu'il n'y a pas de 13e étage dans la plupart des bâtiments, donc on n'a jamais le chiffre 13 dans un ascenseur que pourtant une c'est quinzaine peur, ou une vingtaine. Hein, ça fait peur, le chiffre 13. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Le 13e étage, c'était surveillé. Oh. C'est pas si récent, par contre. Je pense que j'étais pas né quand ils l'ont sorti. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on n'abolirait pas simplement le chiffre 13? Tant qu'à ça, on pourrait juste arrêter d'utiliser le chiffre 13. Ça ferait 10, 11, 12, 14, 15. J'ai réfléchi à tout ça et je me suis rappelé aussi que quand j'étais au secondaire, j'avais des cours de mathématiques. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, les mathématiques. Oui. Et il y a beaucoup de sciences qui sont basées là-dessus. Et on m'a dit récemment que c'est très important d'avoir une unité à chaque fois qu'on montait d'un chiffre ou d'un nombre. Donc, j'ai fait le calcul. J'ai dit entre 12 et 14, il y a deux unités, donc ça en prenait une, et ils ont décidé de garder le 13 pour cette raison-là. C'est une raison qui me paraît tout de même logique. Sauf que d'un autre côté, on ne peut que conclure que le 13 est inévitable. Le chiffre est donc inévitable. Le chiffre, ben en fait, c'est un nombre comme tel, parce qu'on sait que c'est l'association du chiffre 1 et le chiffre 3. Ah, ben oui. Donc, on sait qu'il y a 10 chiffres de 0 à 9. Qui forment les nombres, comme le nombre 13, par exemple. Et le nombre 13 lui-même est associé donc au serpentaire, qui serait le 13e signe du zodiaque. Le mal encore? Est-ce que c'est le mal? On ne sait le pas serpent, trop. J'ai vérifié. Serpent, c'est le diable. Ce n'est non plus associé à George W. Bush dans mes recherches. J'ai vérifié qu'il est né, lui, au mois de juillet. C'est ma mémoire. De toute façon, je pensais que 13 était malchance. Le chiffre du mal, c'est le 6. Ah, oui. En fait, c'est le triple 6 qui serait donc le nombre. Parce que le chiffre comme tel, 6, n'est pas si mauvais comme le sixième sens, par exemple. Ah, donc. Voilà, et une fois de plus, je ne peux pas... Je pense que tu es là pour nous démêler tout ça, là, ouais. Ah ben, en fait, c'est le but de mes chroniques. Donc, lorsque je serai là toutes les semaines, je vais toujours vous amener une chronique, non pas sur votre horoscope et donner l'horoscope des gens. De toute façon, il y a des journaux, il y a plein de choses, des sites web très, très intéressants, toujours avec des animations flash en rose et mauve qui vous envoient... très criard pour les yeux. Oui, ça vous aide à comprendre un peu plus votre avenir, mais je vous amènerai toujours de l'information sur les techniques d'horoscope. J'ai pensé au tarot qui s'en vient très bientôt aussi. Le tarot de Marseille, qui est différent du tarot habituel. Tu pourrais nous tirer, là, au tarot. Je vais vous tirer à travers le micro, évidemment. Ben. Et vous allez voir, là, c'est incroyable. Mais ça me fait un peu peur, ta chronique, là, je dois avouer. Est-ce qu'on pourrait inviter des auditeurs à appeler en studio puis à se faire tirer aux cartes en ondes comme ça? Ça serait 50 cents par appel, puis c'est environ 1,53 de la minute suivante. Exactement. Je sais qu'on a un système PayPal avec ces fous-là qui existent déjà. Donc, on va développer ça. Mais tout ça pour vous dire que finalement, vous pouvez être sagittaire. Le signe que vous voulez. Vous avez toujours le choix, même avec les 13 signes maintenant. On peut toujours décider, si on est né une date précise entre deux, lequel de ces signes-ci on va être. Et si vous êtes un des malchanceux qui est maintenant serpentaire, comme les parents de Danny ou les miens, vous n'aurez pas le choix de devoir vous inventer votre propre horoscope en prenant un café en lisant le journal le matin. Parce que pour l'instant, il n'est pas encore sorti et c'est pas encore officialisé dans le temple de la renommée des signes astrologiques. Merci, Émilie. Ça m'a fait plaisir. Mais c'est toujours quand même assez étrange de voir qu'une science si précise, si exacte, peut être malléable aussi comme ça. Ben oui, exactement. Mais d'après moi, c'est exactement l'exception qui confirme la règle. C'est là qu'on voit la vérité. Une science sérieuse est nécessairement sujette à être remise en question. Exactement, c'est fait pour être remise en question. Je me questionne par contre beaucoup à savoir si le serpentaire fera un X au pluriel. Oh! Merci Rémi, monsieur Rémi, parce que c'est important le monsieur à l'avant. Tout à fait. On vous réentend mardi prochain. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le dîner de cons sur Chiffrou 89. Dans le cul, OM, dans le cul, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir.